J'ai fait pour tout oublier. Si je les écoute, j'aurais tout plié. Pour l'amour, babe, tu peux m'oublier. J'ai fait pour tout oublier. Tout oublier. J'ai fait pour tout oublier. J'ai fait pour tout oublier. J'ai fait pour tout oublier. Je suis défoncé. J'ai fait pour tout oublier. J'ai fait pour tout oublier. Je vais arrêter d'y penser. Manipulé, c'est réel, négro, j'ai les volets qui noircissent. Je suis manipulé, tous les jours pas cette putain de feuille de cannabis. Je suis manipulé, certains la pick-up, certains la consomment, beaucoup en canne. On est manipulé, chacun son vice, donc de quoi tu me parles? J'ai cherché un remède pendant des années. J'ai trouvé la monnaie, mais j'ai gagné que des galères. Oh merde, oh merde. Troisième de la journée. Oh merde, oh merde. Plus de problèmes, plus de fumée. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier. Je fus pour tout oublier. Si je les écoute, j'aurais tout plié. Pour l'amour, babe, tu peux m'oublier. Je fais pour tout oublier. Tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je suis défoncé. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je vais arrêter d'y penser. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Ils vont le payer. Je fais pour tout oublier. J'ai rien de payer. Je fais pour tout oublier. Négro, je suis défoncé. Non, pigaré, si c'est fait, refrain. Non, merci, gâteau, refait. Mais si t'es une fée, je suis refait. Oui, je suis refait. Tu m'avais posé, donc tu négliges. Mais pour avoir ce flow, négro, il faut des piges. Je me fais pas, je le sais, j'essaie d'arrêter mon tabac, je me fais limer. Le soleil vient de se lever, je suis toujours défoncé. Les factures à payer, le tarot fatigué, je vais plus y penser. Qui continue de parler, qui continue de rager, négro, ils vont le payer. La daronne a crisé, un mort nous a quitté, ça me fait de la neuve. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Pour oublier. Je fais pour tout oublier. Si je les écoute, j'aurais tout plié. Tu peux m'oublier. Je fais pour tout oublier. Tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je suis défoncé. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Je vais arrêter d'y penser. Je fais pour tout oublier. Je fais pour tout oublier. Ils vont le payer. Je fais pour tout oublier. J'ai rien de payer. Je fume pour t'oublier. Je fume pour t'oublier.